guerre, juste après tu bites ton père. Ok. A rien ça sert de faire pousser des affaires. Pas le ghetto comme Américo. Oh oh, donne-nous le go. On lâche pas le ghetto comme Américo. Une de ski dans le rover, derrière les pecs. J'ai un grand cœur, loin des traîtres, loin des pompeurs. Tu fais le fou, après tu ramènes ton père. Le prochain après, j'ai les dents aiguisées. Les schmittis ont les gros pets des charbons déguisés. Frérot, tu deviens chaud bizarre quand t'as teasé. Tu dis que tu tires, tu sais même pas viser. J'suis dans des bails de malade, pas de mala, pas de cala, peu de calais, pas de calibre. Une pensée aux frères pas libres, à ceux qui rêvent de palette ou de conduire la Ferrari. Pas besoin de palette au volant, j'suis dans la soucoupe volante. Pas besoin de palette au volant. Carrément dans le truc, carrément 3 boys SFR mec, c'est carrément les stupes. Les petits sont dans Matrix, au Pinel on te fait carrément du X. C'est que les frérots, que les numéros, que la plata, que la pasta. Sa grand-mère t'a fait au bureau. Faire tchécoslovaque, boîte de 30 arrive sur le Zodiac. J'ai même pas bu Jack, bande organisée comme si t'avais vu Jack. Et sur les gens ça roule, vovo je rentre à la zone minable. 7,65 près des couilles, ça bosse pas la zone abdominale. Ça tourne comme des sévans automatiques. Tout niqué en équipe, c'est la thématique. Pour le territoire entre ennemis, ça sert à dick. Souci de alcool, tu t'appelles une natique. J'entends le bruit du RR 1000, ça te cherche, ça s'en outillé. Dans le quartier, la guine ça va plus vite qu'une Audi. Il a acheté une calage parce qu'on lui a dit pas besoin de savoir viser. À Marseille, à peine majeur, ça te fait des RDC très organisés. Je vais niquer ta mère et tu ne verras jamais l'iPhone 13. C'est nous la thèse, des stress, KKKOFS. Je lui ai donné un faux nom, elle m'a donné un faux nom. C'est une pute celle-là. Elle fait la puce celle-là. Je prends mes lobes et je me taille pour les putes à Bruxelles-là. Elle est pleine de fin d'eux, elle repart avec moi, elle est venue avec eux. Je la branche à 20h, je la nique à 22. J'ai allumé la lumière, en fait elle était quinte. Que veux-tu que je te dise de plus? Je vise la tête où je vise le but. Le paradis sous les pieds de ta mère. Là j'suis en OG, j'pars en virée. J'fais le tour de la ville, Soma me dit fais-moi tirer. Somme dans le cendrier. Fais pas trop de boulettes dans la carie. Non tu peux pas le nier. Cette année je vais te la bousiller. Dans Pérignon, sa PL me trouve mignon. Toi tu fais le fou, quand j'sors le Glock tu deviens tout mignon. J'sors mon zing et tu zina. On t'allume, tu te zima. On fait danser, danser, danser, danser, danser, danser. Tu vas crier zim zima. Y'a bondé, toi tu n'arrives plus à bander. Moi je vide mon barreau, je pense aux frères derrière les barreaux. Brillant, brillant, grillé, grillé, je roule un privado. Vaillant, vaillant, toujours prêt pour monter dans un braco. Me rate pas, je reviens, je te rate pas sur la vie de ma mère. Besoin des gains, baisser ce dictin. Des max pour trash, une Van Gogh. Donne-nous le, donne le go. Andale, carnal, faut faire carnage à la calage. Donne-nous-le, on va lui faire la morée. Donne-nous-le, donne-nous-le, donne-nous-le, on va lui faire la morée. Donne-nous-le. Survette qu'est choix, dernier merco, showcase dans le club, faut faire des choix. Sur mon perchoir, dans mon ghetto, je vois le bédo, coupe au séchoir. Survette, basket, plein de business, ça se mange, ça se tue comme du beef deck. Y'a la fusée dans le grinder, calibré comme les Peaky Blinders. Je vois loin dans les étoiles, je vois tu sur de toi. Sur la corniche, fais le Tony. Lago est bombé dans le bolide. Bernard tapé au bout du fil. J'suis mortel comme le Covid. Elle fait la fille bien, j'veux une coquine. Terre, terre, pimpon, c'est la routine. C'est Marseille, salope, c'est pas Brooklyn. C'est Marseille, salope, c'est pas Brooklyn. Prince de la ville dans le bing, j'fais le bif en équipe comme dans Hit. A demi, sur périph' comme les 8, on est 30 et pas 10. Tu peux appeler le gir ou applaudir. Garde la monnaie, tu peux arrondir. Elle a une sale bouche, je veux rebondir. Si je tire dans la carotide. Pour le bitume, je suis du Billie Jean. C'est bouillant, c'est la canicule. 40 degrés à l'ombre, c'est les Philippines. T'as reconnu le matricule, tête cramée dans la tribune. Y'a la zone, y'a la tribu. Attitude depuis le début. Le gym me fait la passe, hein. Mais moi je mets le but. Je me regarde dans la glace, hein. J'ai jamais fait la pute. Pour avoir la classe, pas besoin de notice. Ça fait bang bang bang, c'est l'agonie, la police. On les aime pas, c'est la folie. Je vise la lucarne comme le coup de tête de bolide. Abonné, je suis dans le bolide. M'en bats les couilles de clade et bonnie. Ça se propage comme le Covid. Je suis dans les airs comme un Boeing. Alcoolisé dans le bordel, elle a sympathisé. Elle a trop sucé, on s'en bat les couilles, on la fera ressucer. On est trop rusé, sans succès, on s'est quand même propulsé. Oui, Paris c'est magique, mais Marseille reste unique. Ici y'a pas de limite, champion dans le foot et j'ai bloqué dans le Jackson. Certains voient pas plus loin que l'ensemble. Merco GTS, conduite normale sous ballon. Fourgon d'armes de l'Est, camion semi plein ballon. La moula jaune, ouais. Comme la bonne mère, les cirques elles sonnent, ouais. Jusqu'à la canne bière, on crape sur le RR 1000. J'passe par les rues où y'a pas de civil. 25, j'suis à Bougainville. J'passe faire un tour vers le centre-ville. Oh putain, j'ai le pétard dans le jean. Cache le vide, y'a les ham. Grosse quicheta qui s'allume comme Billie Jean. 3, 5, 7 dans le sac. Je baisse ma vida, je vais vider, je vais piler, c'est la fin, tu me tends dernier pilon. Je suis serein, t'es nerveux, je touffe la tête au marteau, t'es un des fils de chien qui recheck le seul nom. Je m'endors, c'est la guerre, je me réveille, c'est la même, ouais, ça fait très longtemps qu'on a banni la paix. Je sors du forgeron, je parle une première fois, la deuxième fois, je te fends le crâne à l'épée. 20 heures de cellule sur 24 à 3 dans un 9 mètres carré, 40 degrés, je suis fuck. Je connais les deux traits, ouais, toujours en retrait, jamais de la vida, je tourne mon dos, gros, je pivote. La clim, t'as démon dans les gradins, je lève et m'applaudis, moi j'attends la hola. Je suis numéro 9, c'est moi qui flotte les putes et je choque comme cartel de Sinaloa. Parlez, ça fait guili guili, 1-3-0.9, j'suis vrai comme les guilis. J'suis vrai comme un désert, j'suis vrai comme Valkyrie. Je reviens du désert, j'ai très gros appétit. Ça remplit un chargeur et ça le vide dans ta mère. Ajoute 2-3-0 sous mon putain de salaire. Sous mon putain de véhicule, sous mon putain de gants. Sous mon putain de score, ouais la putain de ta mère. C'est bien fait, j'pose le truc, machin qui frotte mon fut. 3-5 tout black, c'est que ça pique. L'équipe 1-3, c'est que ça kick. Toi reste à sec, tu t'insectes. On se fait solo, nique ta secte. J'tape sans cesse, j'suis pas de CC. Un peu de vovo, des complexes. Break que des têtes de carbo, ça travaille les pecs sans passer aux abdos. Tu vois là le beat, je l'ai chauffé par le coup. Même à 46, tu vas le saigner partout. Rocher dans les artères, petite merde. C'est plus des gifs mais des balles qui se perdent. La jalousie pour moi c'est un mystère. Comme ceux qui pompent fort un peu comme leur sister. T'as reconnu l'accent d'en bas, que pas celui qui entend pas. On va te mêler comme tempo. Tu trahis, non c'est pas sympa. Fais-nous la passe le J, ben ouais. Tout le sud réuni, ben ouais. C'est fini donc n'insiste pas. À mes yeux tu n'es. Tu m'as dors pas, j'écris des rimes hors pair. Je m'en sors pas, tu sais comment je compte faire. C'est le retour de la soude, on reprend du service. Faut des sous et il faut les faire vite. Le sens est de la bombe, tu l'entends du service. J'en voulais, j'ai servi. Ne fais pas la bombe, tu peux pas me permis. Car tu fais trop la folle comme c'est pas permis. Bang bang bang et j'arrive comme un Pfizer. Dans les rues de Mars avec le flow assassin. Ça veut piter la gâtie de ton poteau, c'est malsain. Oh fils de pute. C'est ma Syria, on est des milliers, on veut des milliards, on prend leur cilier. Oh c'est ma Syria, gros c'est la guérilla, là c'est la Syria, entre neuf c'est sérieux. Je crois qu'ils m'ont pris pour un con, je crois que je vais péter un plomb. Je croise les doigts et je compte, ils me disent tu vas faire quoi, je vais sortir un pompe. C'est les quartiers sud au volant, entre neuf c'est à volant. Demande à mes collègues, ne crois pas que je suis à fond là. Tu veux tester mes métiers trop lents, je t'ai passé un rigolant. J'envoie un freestyle et tout le quartier fait la hola. Place aux pirates, voiture full black. Aujourd'hui je fais le Mac, je mets le bandeau à Tupac. Sur moi j'ai une plaquette, 308 break, c'est la bac. Par balle et les claquettes, j'suis cramou, j'crois qu'ils me traquent. J'ai pas changé d'époque, j'suis toujours sous bob. J'croise une gadie, me dit tu rap bien mon bébé. J'suis dans la loc, j'passe à la lime. J'crois cette histoire va se finir à bébé. La coste et le boss, toute l'année rien que je bosse. J'ai même plus le temps de me poser, j'vois les potos sous rosé. Changement, j'arrive dans le temps mort. Si tu me fais la passe, ça va faire but. Y'a des putes qui font des mecs en or. Des filles bien qui font des fils de pute. Sur la côte en vente organisée. Que des carbos chargés dans le 4x4. T'as vu le gang, tu veux sympathiser. Grosse équipe de viking, barbu comme un 4x4. Trop de coups de salope, je suis concerné. Quand tu t'inventes des vies, arrête de t'acerner. Ça prend la route, ça pilote avec les genoux. Ça roule les pétards à 15h, encore les deux cernés. Ton blasé noté sur le carnet. Petite merde, dis-moi qui tu voulais berner. À la base t'étais un mec bien. En carba, tu t'es réincarné. Je traîne avec des mecs clean. Je traîne avec des mecs louches. Je traîne avec des Kevin, des Marvin. Je traîne avec des mecs chouches. Porté sur le terrain, toute l'année. Toi t'es sur le banc de touche. Chou comme ils sont tes forts, tous ces morts. N'artez un Ben Bush. C'est ma Marseille, poteau tempère. Un clic-clic dans le fut pour t'enterrer. Ça clac-clac, qui j'ta loin du terrain. Minimum, on brisera tous tes rêves. Le soleil, c'est pour tout le monde, toi t'es à l'ouest. À moonwalk, on débarque à l'aise. Dans le vito, je recompte la somme et la midi, minuit, je suis pompé là. Hola chica, me gusta tu. Vura, vura, ne bois pas tout. Tu trouves ça embêtant, qu'à la fin, ça te met pas ton coup. Gentil, joue les méchants. Devant le canon, devienne tout doux. Il manque du shit dans le secteur, sale ravitaille en soupe. Très organisé, bordélique, grosse équipe. Venu frapper comme un corps d'élite. Marseille, trace à route hors des pistes, bordélique. Y'a ce que la haute dénigre. Passe entre les gouttes de pluie, rimeur de feu, vie en freestyle. Enfant du canard a trop de style. Allez, allez, faut laisser passer. Parole d'hier est toujours valable. Ruelle insolente et restée vraie. Éclat inespéré dans nos palabres. Bandera, tard, oui, capuché oui. Comme la rapia. Un gros doigt devant vos caméras. Le smile des favelas, malgré les drames, hélas. Je suis reflet de ma zone, push gâté sous la stone. Hey. En PV, elle m'aborde en public. Elle veut qu'on se pète. Hey. Quand t'es discrète, c'est bon. Derrière, ils m'ont déféré pour me libérer. Fais le bisou à ton bay. On fait pas carré. Du bloc au siège de la Ferrari. Les Marseillais cramés sur Paris. J'en veux une qui pour cave pas son mari. C'est des gominos. À la place, on aime, j'ai mis la pico. À la place de Splend, fais des choses, mi primo. Très organisé dans la Benza Chiro. Fais pas le voyeur, tu vas te manger le revers à Nadal. Tu fais le fou, mais pas de manie avec madame. La vie, c'est chaud, sur le parvis. Tout a changé, ouais. Plus de respect, non, non. Ils veulent tous se venger, ouais, ouais. Ils ont pris la confiance, ils ont plus de conscience, ils veulent plus s'arranger, ouais, ouais. Plus de respect, non, non. Ils veulent tous se venger, ouais, ouais. Ils ont pris la confiance, ils ont plus de conscience, ils veulent plus s'arranger, ouais, ouais. Hey ya, Vla Sopra Mbaba, hey ya, Sopra Saitama, hey ya, bientôt plus connu qu'Alidé. Sur Marseille, car tu sais que c'est là qu'est le trésor. Très organisé pour l'oseille. Normal ici, c'est les cités d'or. La bonne mère, la huitième merveille. On est vrai depuis les dinosaures. Y'a vos rappeurs dans nos cendriers. Hey, ma position, j'ai la fenêtre de tir. Donne-moi le go, on m'en va date et je tue. Celui qui fait le plus cramé quand dit le plus au stup. C'est souvent les proches qui seront les plus grosses pubs. Le mec il investit mes couilles, il veut le bénéfice. T'es parenté avec la merde, qu'on père et fils. Véridique, vérifie, une frappe de bâtard. Des pieds qui fait la passe décisive. Nah, c'est à la haine, y'a la veine de signe douce. Au loin je vois ta grand-mère en train de faire le signe joule. On va épargner les femmes et les enfants. Très organisé à l'infini comme un puissant fond. Minuit sur la Daytona, le charbon ferme, c'est pas raisonnable. Y'a des clients qui viennent de Cincana. En Clio 3 rempli de nana. 4 heures, j'arrive pas à dormir. J'appelle Smogo, direction l'after. J'fais tout droit, y'a une queue de bâtard. J'repère une blonde, c'est un avatar. Très organisé, faut que la banalise. Tu vas analyser, tu vas réaliser. Même alcoolisé, t'inquiète, on s'est tous visés. Même alcoolisé, t'inquiète, on s'est tous visés. J'ouvre la collision, le moulon, y'a tout le monde. On dit que ta mère au harpon. Réponds quand tu me donnes du bifton, des litrons. Oui, j'vais compter les moutons en prison. La rotonde en marche arrière. Ça fait longtemps, j'suis plus locataire. À combien je plongeais en équerre. Organisé dans la ville comme des la rotonde en marche arrière. Ça fait longtemps que je suis plus locataire. À combien je plongeais en équerre. Organisé dans la ville comme des dockers. Marseille c'est le meilleur mon frère. Ça date pas d'hier. Né au cœur de la haine avec une mentalité meurtrière. Nous sommes des briquets allumés en la poudrière. Ça fait boum que des hommes. Tu le ressens, ça résonne. Montre son à balle, je suis là. la voix de la jungle. Pour ceux en cavale, en pégé ou à jeun. Je fais pas le voyou, mais s'il faut genre le machin. Je représente 13 de Tokyo à Agen. Le revers à Nadal, je fais péter la raquette. Fais pas trop la mignon, je te baisse sur la moquette. Ravant ma fierté, j'ai qu'un homme sur la planète. Et dis merci à Julie, m'a sorti de la retraite. Tonino MC du Shootstar, ouais. Bande de bâtards, ouais. Fais péter les radars, ouais. 50 frères à ma table, ouais. 50 frères à ma table, je suis chargé de raca au volant du AK, ouais. J'envoie la frappe des raptas, je connais bien ta maman, tu peux m'appeler papa, ouais. Ratatata, ouais. La mule c'est tatata, ouais. J'ai pas le vague à l'âme, je suis prêt pour le va-à-la. Y'a tout Marseille sur le titre. Ça sent le classique, sans le hit. Ça sent la rue, ça sent le shit. J'entends déjà les rageux parler dans le vide. Parle, mais ton flow est mort dans le film. J'suis dans le sale, j'suis dans le jean, j'suis dans le stade, j'suis dans la ville, j'suis dans le stud, j'suis dans ma suite. J'fais dans le dur, j'fais dans le sweet, frère. J'suis pas dans la série, mais j'suis validé. 12 mesures dans le barrier. Passe au contrôle qualité, flow bien calibré, zone 13 quadrillée. Hasta la muerte, 13 organisé. Projet est lourd, gros, t'as pas idée. C'est QLF, ouais, chiant, pas de pression. Laissons passer les mauvais garçons. J'ai vu ta soeur en caleçon, vas-y dessin, arrête de regarder les nichons. Le J dans la maison, arrête de faire le mec qui parle trop, on va te baison. Et t'as vu, j'ai pas mis la veste, torse nu comme un Bucarest. Elle est bonne, elle veut que je la baisse, nique ta mère, on te laisse les restes. Organisé 13, calibré, dans le check, ça le CZ chargé. Maintenant vide la caisse, ou alors j't'agresse comme un vrai Marseillais. J'pense à la folle que j'ai cassée, au frère au star qui se tue au pasta. J'récupère, j'envoie un placé, toi t'es un faux boy, fais demi-trace. J'arrive à fond, fais de la place, dans la tête j'vide la canette, hein. Sur scène j'arrive en claquette, comme le J et j'fume sur la plaquette, hein. Et pas merci, t'as tout claqué au TRC. On sait que t'es en train de nous pister, on sait que tu t'as placé, mon fuck non, non. SLR, c'est nous les boss, bande de comiques. Ils sont nombreux, je vais faire un strike comme une grosse partie de bowling. T'as les nez dans la farine, moi j'ai les épaules solides. Dans la matrice, j'suis dans X-Men, j'suis dans un film comme Wolverine. J'suis avec la zone en personne, t'es dans les bouchons, tu klaxonnes. Très organisé, ça cartonne, passe à la casse, t'es ça charbonne. Après nous le sommes, partout dans le sable, ça mise dans le sang, ça mise dans le sale. 68 000 vaillants dans le stade, 100 000 dans le sac, ça mise dans le sale. Tire-nous vers le haut, pas dans la tête, jamais formaté. Vas-y calmaté, on va tout gâter. Eh ouais, m'a gâté, j'aime te faire mater. Vas-y kayaté. Hein, pour toquer pas ça, c'est notre quart d'heure. Que du pied Carter, la belle Agatha, c'est notre 4 heures. Un unique à ça, si t'es Carter, c'est Marseille bébé. On t'a déjà dit, la cale a sorti du capéo. Pour les gens d'en bas, plus de tragédie. Lève ton verre et zumba café. À travers les baffes, je te mets des bifs. J'ai vendu la cam, j'ai fait du chiffre. Yo, la police me traque et les bâtards me pissent. Je suis à bord du Zodiac, Jack d'Arrow fond d'une crique. Y'a pas d'intérim dans la zone comme Kerry. On est des enfants terribles, calibrés comme Kerry. On te fait sur le périph' de la drogue, dans le ferry. De l'autre côté de la rive, dans le brouillard, je navigue. J'ai cellophané mon passé, je l'ai laissé à l'appart. J'avais une vie sans soupçon, je vais la changer en appart. Charque les kilos comme un libéraux. Rabitaille toute la French Rivera. 13-0-15 c'est le numéro. En temps et en heure on vous livrera. Y'a trop d'homicides, pas de super héros. Les mains sales dans la street qui les lavera. J'vis la zone, c'est la vraie, y'a pas de caméra. J'fais la zik et la suite qui vivra verra. Mets du jack et des ice dans le gobelet. J'suis les way, j'fais l'euro quand tu t'as pas là. Plus le temps, j'vois plus l'heure sous la jubilée. J'en roule un roule libre, c'est de la diva. Organisé comme dans Hit, le chemin est long et dur comme ma bite. Vas-y fais le fou con, rapplique. On t'envoie des pics, on t'applique super rapide. Salope, t'as fait la pute, on te veut plus dans l'équipe. J'suis entouré de cramés que tu vois pas dans les clips. Tu pries pour des lovés, on prie pour que Dieu nous guide. Et quand y'a des teutrés, on prie Dieu pour qu'il nous quitte. Magadji, elle est chargée, chargée. Ma calache, elle est chargée, chargée. Ils font les fous, mais les gars, sachez, sachez. Que c'est cagoulé qu'on va les chercher. Sois le bienvenu dans le 13, 13. Même si elle est connue pour les papas, papas. Sois le bienvenu dans le 13, 13. Même si elle est connue pour les papas, papas. M, A, R, S. Les oliviers, c'est la zone, faut qu'on encaisse. Des grosses sommes en vitesse, faut des mapesses. Pour la madré, c'est chaud, faut de l'espèce. Moi, je reste hip hop. Et ça depuis longtemps. Salope, vas-y, check pour ça dedans. Seul dans ma tête, j'mets les pleins phares. Pieds droits collés au plancher. Trahison nocturne, cauchemar. 1-3, danger. Gros cul, chicha, ballon. Welcome, très organisé. C'est la guérilla, donc fais bien Macron. Que la Marseillaise, on va la remixer. On va te faire du sale, t'as pas idée. Te faire danser, comme t'as pas idée. Demande à Gaston B, validé. Marseille City, ouais, validé. Viens pas chez nous, on va pas t'aimer. T'es pas le fou, ça va pas t'aider. Et si tu parles de foot, d'étoiles et de couronnes, les seuls qui l'ont soulevé. Eh hey, hey, ouais, mon pote, hey, quoi de neuf, les folles, hey, en direct de la zone, hey, c'est Vince, tu connais. Eh hey, ouais, mon pote, ouais, quoi de neuf, les folles, ouais, en direct de la zone, ouais, c'est Vince, tu connais. Bienvenue dans GPB, faux carré prétonation devant le bloc. Ça veut brasser comme du Nagamblo. Sur la côte en Christian Dior, on fait les beaux. Frère, j'ai enfoiré, très organisé. Chaud hasi, père de Yeezy. Argent easy dans la cuisine. Prochain hiver, j'ai pas fini, c'est trop facile. Notre mode de vie, il vous fascine. Bande d'enculés. Numéro 4, tu lèves la coupe, Basile Boli. Fais-moi la page, même Pauline. J'ai l'attitude, puis ma jolie. Ça vient d'en bas, c'est la folie. J'suis avec l'OVNI. Hey yo, c'est Marcel Tigger. Si t'as la mentale, j'serai ma baby girl. Hey yo, c'est qu'on lit dans le secteur. Ouais, on te ramène que la femme est devant l'inspecteur. Hey yo, on a la Champions League. Hein, on vous laisse Neymar et la Ligue. Hein, pas le temps, c'est chaud dans la ville. C'est hey, les Schmitt, j'crois que ça levait la vie. Tiens, c'est 13 au GTA. PG pour SP, on fait des bails. Ça descend gros guichet vers l'Espagne. Ça remonte, ça distribue, t'as sa main. Malade, coca ou salade, je suis dans les parages, recherche un calage, tête dans les nuages, la douane au péage, les petits vont te faire 4000 à calage. Appel d'Algérie, le pouce veut un visa, la petite a grandi donc son cul à Ibiza. Frère, t'es trop bizarre, ouais, t'es trop bizarre. On va te faire glisser sans pitié comme Iva. Zipette, pépette, vol à la tirette, tika tika, la petite aime les galipettes, choquez à Phuket, touche pas la mallette, le P38 est caché dans la putette. Eh ouais, c'est l'Alger, ratata, je vais t'apprendre à danser. Je fais des hits à quêter, là c'est l'hiver, je vais t'apprendre à rapper. RS6, sur la corniche, ça va vite, j'ai chauffé la mycélétiste. Y'a de l'œil dans l'air, sa mère, ça m'a fatigué. J'ai mis la cagoule, je suis rentré dans le 13 organisé. Question, tu veux qu'on se tape? Ok, j'ai monté ma bancard. De tour, même chez toi, tu m'entends partout. N3 gravé sur le bambou. Yeah, on arrive en ville, combat l'avoine. Des stress, l'ouvreuse n'a pas vu la douane. Devenu Jedi, le jeune Padawan. On n'oublie pas l'époque où on avait pas one. Hey. Chemin de la bigote, que tu prends la marche, que tu bouges, tu gigotes. Hey. Descends du nord comme Figo, que ça paranoïe gros, que ça psychote. Hey. Hey. Bande organisée. Je te mets mon tapis, je suis dans l'ombre tapis, pendant que tu tapines, psychothérapie, emmerdeur de base, je suis dans la partie comme un vendeur de Taz, whisky ice, Marseille Vice, 13, 13 au point, 13 organized, hypnotise, une prise d'otage, c'est pas de la folie, c'est du pilotage. Roule, comme sur la mitraille, dis-moi si je te saoule. Je n'ai pas le time pour ces fils de poule. Avant que je me taille, je fais le signe de Joule. Signe de Joule. De retour sur les témis. Attends, c'est folle qui j'ai mis. Marseille, tu le sais, miss. On fait des ace comme au tennis. Bonsoir, nous m'ambis s'adapte. On est disque dans nous, ça date. Style en survêt ou cravate. Dans le rapport, te mets des savates. Testa Rosa pour Melo, ça. Un 4-3 sur le dos, ça. La rue, la vraie, elle ne blague pas. T'es une chochotte, vas-y, trace ça. Testa Rosa pour Melo, ça. Un 4-3 sur le dos, ça. La rue, la vraie, elle ne blague pas. T'es une chochotte, vas-y, trace ça. J'suis le frère d'une star depuis la primaire. Donc les jaloux, les lovés, les gens louches, les gens vrais, les mauvais. Vérité, on connaît, ça parle mal en public et s'excuse en privé. J'suis dans l'espace, j'rentre partout, j'prends tout et j'pars. Poto, j'suis un croco, défouraille la compo. Pas de bimbo, pas de mytho, pas de mzig dans la viton. J'ai les locks dans le guidon, j'vide mon sac. Et oui, papa, j'ai le flow pam pam, mi corazon, du N ma zone, scooter, pup up. J'suis ma chicha en Fiat 500. En semaine, on est plein de flics décentes. Bouge-toi de là que je mette l'essence. J'ai vidé mon carburant dans la piste de danse. Oui. Ok, je vous pisse sur les dents. C'est ma façon de vous dire bonjour poliment. M'en bat les couilles, tu sois le meilleur. Nous on donne toujours le meilleur. Ailleurs on voit le néant. Marseille c'est notre régiment. C'est moi le petit bâtard qui fait trembler cette putain de ville. J'entends que des ragots, mais du moins frérot on flippe de kilo. Tu connais ma team, la monnaie du shit qui nous attire. Que des vantards, ça fait là, retiens-moi, je vais faire une dégrée. Rien dans ma ville, pour ces droits cash bendo. Que par sa bellissima, reste tranquille ou prends le métro. Ces batailles me filochent, rappel de phare dans le rétro. Dans le réseau depuis Milo, fais belle à Calamonde. Pour qui je t'achète assassine, c'est quoi du coca dans la bassine. Quand tu dors aux tartines, je suis en dor et platine. Tout illégal, à 240 sur la seule. Tu me tailles au Sénégal. Marseille est un légendaire. Sur le maillot, où est ton gang? Sur le banc, j'ai le col levé à la Cantona. Crois pas que la vie c'est un dream. Car dehors c'est marche ou crève. Moi j'ai toujours la même team. J'fais toujours partie de la crème. J'ai connu l'âge d'or du rap. Quelques déceptions dans le hood. Moi de la gloire je m'en tape. Avec les frères on serre les coudes.